La lecture rend-elle fou? Parmi les quelques 300 troubles mentaux recensés dans le Diagnosis et Statistical Manual of Mental Disorder, c'est de l'anglais ce que je viens de dire, la dernière recension américaine des désordres psychiatriques parue en mai dernier, on compte désormais l'hypercollectionnite, le deuil hypertrophié, l'hyperphagie et l'hypersexualité. Mais pas encore la lecture, ni même l'hyperlecture. Et l'impact psychologique de la lecture du manuel lui-même n'est pas davantage pris en compte. Qu'il y ait un lien de causalité entre lecture et folie, cela semble clair, même si le sens de la relation, lui, ne l'est pas. Trop lire rend zinzin, et peut pousser des esprits déjà perturbés à lire encore plus. Voyez Don Quichotte qui lisait du soir au matin et du matin jusqu'au soir, au point qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau. Le phénomène a depuis été décortiqué par Jacques Derrida, notamment « L'acte de lecture troue l'acte de parole ou d'écriture. Par ce trou, je m'échappe à moi-même. » Qui plus est, si l'on en croit Umberto Eco, la lecture astreindrait à un lourd effort de co-création littéraire. Le texte est une machine paresseuse qui exige de ses lecteurs qu'ils fassent une partie du travail. On comprend que certains y laissent des pans entiers de leur raison. Mais on n'en finit pas d'également recenser les bénéfices de la lecture, laquelle doit être bien menacée à voir le nombre de gens qui montent au créneau pour la défendre. Ce serait une pratique facile et peu coûteuse, qui nous distrait, nous occupe et nous tient à l'écart d'activités plus funestes auxquelles elle permet de se livrer par procuration, la guerre, le sexe, la cruauté mentale, etc. Elle nous inciterait à devenir plus intelligents, plus analytiques, à mieux organiser nos pensées, du moins s'il s'agit de lecture profonde, car la lecture en diagonale type Internet ne procure qu'une fraction de ses bénéfices, au moins 50% d'après certaines études. Elle enrichirait enfin notre vocabulaire et à travers lui notre capacité à appréhender le monde. Truisme mathématiquement démontré, en tout cas les chiffres volants au secours des lettres, il existe 86 741 mots en anglais écrits dont l'anglais parlé n'utilise que 400 à 600. Par rapport à l'accro de télévision, le lecteur assidu possède donc à son actif 200 fois plus de vocabulaire, ce qui est toujours bon à prendre. Mais il n'y a pas que l'intellect. La lecture, une certaine du moins, s'adresse essentiellement à nos émotions. Et le partage de ces émotions suscite des communautés allant de deux personnes, vibrant front contre front sur la même page, à plusieurs millions, sur le web bien sûr. Cette lecture-là nous force aussi à souffrir avec Anna, désirer avec Emma, languir avec Ada, tergiverser avec Lélia, rager avec Clélia, bref, à développer notre empathie. D'ailleurs, des études, elles aussi très sérieuses, montrent que les ados qui ont lu Harry Potter sont plus portés sur l'empathie que les autres. L'organe cible de la lecture, ce n'est donc pas le cerveau, c'est le cœur. Et sur celui-ci, l'effet produit serait entièrement positif. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit, par rapport à qui, à quoi. Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Les médias. Rencontre dans une classe de jeunes de 17-18 ans. C'est important de le dire dans ce cas-ci. C'est une école en dehors de Bruxelles et donc pas de multiculturalité dans les classes. Nous allons voir une pièce de théâtre qui parle du racisme et surtout comment un être humain peut se renier pour s'intégrer. Donc, discussion sur autour du racisme qui amènera très vite, petit à petit, une conscientisation du rôle des médias. Enfin, moi, je pense que le racisme, c'est pas seulement parce qu'on a une couleur de peau différente ou quoi, parce que parfois, à l'école, il y a des gens, parce qu'on n'aime pas leurs chaussures ou leurs vêtements, ben, on reste pas avec eux, ou même les différences de classe, parce qu'ils sont en professionnel ou général, il peut y avoir des a priori, alors que, en fait, non. Bah, si des étrangers viennent et qu'ils entendent des propos racistes, à la fin, ils vont en avoir marre, et si ça tombe, ils vont se fâcher. Ben, moi, je trouve que le racisme, c'est pas obligatoirement couleur de peau et tout ça. Ça peut être aussi les idées des autres. Et ça peut être aussi du racisme au sein d'un même pays. Par exemple, les Wallons et les Flamands, quoi. Il y a parfois les Flamands qui traitent les Wallons de Wallons, quoi. Et puis inversement, quoi. Vraiment, la presse et la politique qui nous montrent les uns contre les autres, quoi. Recherche d'un emploi. Nous partons à l'aventure dans les magasins avec un petit groupe de filles qui ont entre 16 et 17 ans. Ça ne se voit pas, et c'est pour ça que je le dis, ce sont des jeunes filles placées par le juge. L'idée est de rencontrer les dames qui gèrent les magasins pour savoir comment ces jeunes doivent faire pour se présenter. C'est moi qu'il faut poser. Vous allez te présenter ? Ben nous, la première chose qu'on regarde, c'est déjà la façon dont elle nous demande comment elle cherche un travail. Donc si la façon dont elle se présente, si elle cherche réellement un boulot, ça se sent tout de suite rien que dans la façon dont elle le demande. Ensuite, ben évidemment, le physique, on n'est pas uniquement basé sur des poupées, c'est pas ce qu'on recherche, mais si vous êtes propre, si vous êtes habillé, parce que vous venez vous présenter dans un magasin de mode, donc vous devez représenter la mode. Et si vous ne le représentez déjà pas sur vous en venant vous présenter, vous ne pourrez pas travailler dans un magasin de mode. Donc ça, c'est les deux critères premiers. Voilà. Voilà, là vous arrivez, vous n'osez même pas me poser la question de savoir si j'engage ou pas. Si vous n'osez pas me poser la question, donc est-ce que vous allez oser devant le client demander voilà. Vous cherchez des gens pour travailler Pour le moment, non. C'est complet. Mais déjà, si vous posez la question comme ça, vous allez d'office avoir un non. Vous devez, ouais. Vous devez toujours poser une question qu'on puisse vous dire oui. Enfin, même pas oui, qu'on ne puisse pas vous répondre oui ou non. Mais la façon dont vous avez posé la question d'office, on va vous dire non. C'est plutôt vous dire, voilà, je suis à la recherche d'un emploi. Est-ce que je peux vous déposer mon CV ? Ben là, on ne va pas vous dire non. On va vous dire oui, même si on a besoin de personne. On va vous dire oui, on va prendre votre CV. Une question ouverte, absolument. Vraiment des questions ouvertes. Mais aussi la façon dont vous tenez, hein. Jamais les mains dans les poches, jamais... C'est hyper important, c'est la première chose qu'on regarde. Donc vous pouvez être une super bonne travailleuse, si vous ne savez pas vous le montrer et vous vendre d'office, là, ça ne marchera pas. C'est au premier coup d'œil, évidemment, la madame, elle n'a pas le temps d'aller boire un verre avec vous, donc c'est au premier coup d'œil qu'elle va voir si c'est possible ou pas. Et tiens, par exemple, sur 10 personnes qui viennent se présenter, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous mettez vraiment en avant ? Parce que je suppose 10 personnes sont là présentables, avenantes. C'est quoi qui pourrait être le... Oui. Si je l'ai dit même, c'est vraiment la façon dont elle va me parler. C'est uniquement vraiment au niveau du feeling. Si toutes les 10 ont le même critère, que le physique est nickel, qu'elle se présente très bien, c'est vraiment juste à l'heure après, au niveau de l'entretien, voir le feeling, comment il va passer. Voilà. Merci beaucoup. Pas de souci. À votre service. Merci. Au revoir. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, venir habillement correct, bien coiffé, etc., poli, souriante, se mettre en avant, donc ce qui veut dire savoir se vendre, toutes ces petites choses-là, ça fera que vous allez savoir, le patron va plus vouloir vous engager, vous, que quelqu'un habillé un peu à la rien. Vous voyez que... Enfin, c'est ça, c'est... Vous pouvez donner un exemple concret, là. C'est fait comme si vous y étiez, vous, au magasin, quand vous dites « savoir se vendre ». Comment on fait ? Bonjour, je m'appelle Trucmuche, et comment on fait, en fait, pour savoir se vendre ? Déjà, être motivé, montrer qu'on en veut. Toujours vouloir montrer aux gens que vous serez mieux que la prochaine personne qui viendra se présenter. Déjà, ça, c'est déjà se vendre. Hein, c'est... Comment on fait pour être mieux que l'autre ? Tu sais, toi ? S'il y a deux personnes ou trois personnes qui viennent se présenter, comment je fais ? Moi, je pousse du coup de l'autre et je fais « non, c'est moi qui est mieux ». Comment on fait ça ? Ça, je ne saurais pas vous dire du tout. Ça, je ne saurais pas vous répondre, quoi, ça... Parce que je suppose qu'il y a aussi les qualités de l'employeur, parce que là on dit comment tu dois te présenter toi, jeune, qui vient chercher, mais il y a aussi celui qui emploie. Hein, et... Oui, hein, ça, c'est là aussi, il va chercher quelqu'un à qui ça peut correspondre. Quoi. Donc je veux dire, si vous êtes dans les attentions que lui il cherche, même si vous êtes petite, grande, grosse, ce sera peu importe. Si vous êtes dans ce qu'il cherche, bah ça... Avec des gros seins et tout. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Bonjour, quel conseil pour se présenter Bonjour. Alors tout d'abord, déjà avoir une bonne présentation, d'être propre sur soi, bien coiffé, un peu maquillé, puisqu'on a l'avantage de pouvoir se maquiller, nous les femmes. Et alors très souriante et sûre de soi, parce que c'est important, parce que quand on n'est pas sûr de soi, ça se ressent. Et donc la personne ne va pas engager quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, parce que s'il faut assumer des choses, voilà, donc ça... souriant, parce que ça c'est le principal, et montrer qu'on est très poli, accueillant, parce que quand vous êtes dans une boutique, c'est ce qui va se passer, c'est le sourire, c'est l'accueil, bonne présentation, un bon bonjour, pas une petite voix, mais bien parler, très ouvert. Voilà, je pense que c'est le principal pour commencer, et après on fait les preuves sur le terrain, parce que toute chose s'apprend, parce que l'ordinateur est différent, que la façon de travailler est différente, que la façon d'étiqueter est différente, c'est en fonction de la société. Voilà, je pense que c'est bon. Bonjour madame, bonjour monsieur. Que ce soit accueillant, que ça s'entende, que ce soit... En fait, simplement, même quand on parle, que ce soit avec client ou téléphone, quand on parle avec le sourire, ça va tout seul, ça s'entend. Parce que quand vous êtes fâché, si vous parlez avec la bouche fermée, ça s'entend. Et quand vous souriez, ça s'entend aussi. Vous pouvez le faire fâché ? Bonjour. Quand on dit bonjour, on voit la différence entre le sourire et le côté sérieux. Quoi. Moi, je trouve que ça va encore. Bonjour. Je vous assure que quand vous êtes bien à l'aise et que vous êtes bonjour madame, avec un beau sourire, quand vous dites bonjour, ça paraît... Sans plus, quoi. Oui, c'est sans plus. Donc il ne faut pas que ce soit un bonjour forcé, mais un bonjour agréable. Ça vient vraiment du cœur. À partir du moment où on aime son métier, de toute façon, ça va tout seul. Bonjour. Vous en pensez ? Un peu trop serré. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va. Merci beaucoup, madame. L'origine de la vie. Enfant de plus ou moins 7 ans qui raconte le sens de la vie. Cela fait prendre conscience de l'influence que nous avons, nous, les adultes, sur les plus jeunes. Et si on réfléchissait à donner des mots, des livres, des histoires à tous, que ce soit en première classe ou en deuxième classe. Moi, je sais pourquoi on est créé pour faire vivre la nature. Mais simplement, il y a des personnes qui sont devenues un peu tarées. Alors, ils ont fabriqué des armes et alors ils détruisent la nature. Et grâce à la nature, nous, on peut vivre. Mais s'ils détruisent la nature, c'est eux qui meurent. Ah ouais, j'ai dit, non, on se suicide alors. J'avais dit ça. Au début, on était des hommes préhistoriques. À la fin, on a évolué. Au début, on croyait que la Terre était plate. Mais la Terre était ronde. Moi, je dis mon avis comme ça. Hein. Pour moi, tout ce qui compte pour les humains, pour moi, c'est qu'on vit, c'est tout. La beauté, d'accord, elle compte un peu pour moi, mais tout ce qui compte pour moi, c'est la vie, c'est tout. Mais la vie, c'est quelque chose qui nous... Quelque chose qui nous rend humains, quelque chose que nous, les humains, on ne sait pas, mais normalement, on devrait savoir. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Parce que je sais qu'on on fait la vie, on est, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait qu'on vit à cause de la vie, mais c'est tout ce qu'on sait sur la vie. On ne sait pas ce que ça peut... Qui a créé la vie ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Dieu, je ne sais pas qui l'a créé. l'autre qui a créé Dieu, je ne sais pas qui l'a créé. Alors moi, je pense que l'homme est bien évolué parce que quelqu'un a dû le créer. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pu le créer et que c'est un génie celui-là. C'est tout ce que je pourrais avoir dire sur lui. Mais surtout la grande raison qu'on s'est beaucoup posé, hein, c'est que comment il a pu nous créer, c'est ça. L'école. Quand on regarde les jeunes, ils sont à l'école tous les jours de 8h à 16h en gros. Et après, quand ils quittent l'école, ils doivent pour la plupart penser encore à elle. Et s'il y avait une vie après l'école? Et si nous faisions un peu plus confiance à nos jeunes pour les écouter dans leurs envies? Les études, franchement, c'est pas mon truc. Bah, pour moi, personnellement, j'ai 7 échecs ici au bulletin. Je me sens nul dans tout, en fait. Surtout ce qui est maths, bio, chimie, c'est pas mon truc. Franchement, s'il y aurait plus d'heures d'artistique, ça me plairait mieux. Bah franchement, je vois mal mon avenir si je démarre comme ça les études. Les universités, haute école, c'est laissé tomber. Quoi. Et tu as déjà essayé d'en parler à tes parents, d'exprimer ce que tu ressentais? Bah, moi, mon père, il est chimiste, il a fait un diplôme d'A2, il aimerait bien que je fasse les autres études comme lui. Bah, moi, je m'estime mal. Franchement, je suis plus négatif. Quand quelque chose ne va pas, je me dis c'est bon, je vais refaire mon cahier. Je ne suis pas optimiste. Par exemple, quelque chose va mal, que ce soit n'importe quoi, cuisine, repartage, études, ça va pas, bah, je laisse tomber et je dis que je suis un nul. Le but dans les études, c'est pas de faire plaisir aux parents. Déçu, oui, parce que quand mon père voit mon bulletin, franchement, il tire la gueule jusque par terre. Et il me parle plus pendant 2-3 jours au moins. Quoi. La délinquance. Nous partons à Marchiennes au pont, près de Charleroi. Nous rencontrons des jeunes dans une classe. Ils ont eu envie de parler de la délinquance. Ok, mais qu'est-ce que la délinquance pour toi? À les entendre, on croirait un western quotidien. Du coup, j'ai eu envie de comprendre, de décortiquer avec eux cette violence dont ils parlent. C'est sûr, Charleroi n'a pas bonne presse. Moi, la délinquance de Marcinelle, moi j'habite à Marcinelle. La délinquance est terrible parce que chaque soir on voit la bande, on voit des garçons ensemble. Ils se roulent un petit bédo, peinard. Oui, la télé. Oui, j'en vois beaucoup parce que je regarde 24 heures si je viens pas à l'école. C'est la télé quand même, oui. Non, il n'y a pas que des drogués parce que là, des non-fumeurs aussi. Il y a des gens bien qui ne boivent pas, qui vont à l'école et tout, ouais, qui reviennent, qui viennent et après ils font les grands cassures dans la cité là, pour montrer ouais, moi je suis là. Et à l'école, ils ont des 99%. Il y a quand même l'image du casseur, du délinquant qui est un peu à la mode aujourd'hui, non? La vraie violence, ça vient beaucoup de la télé. Hein. Quand on regarde des films, il y a beaucoup de meurtres. On voit beaucoup de jeunes en prison. On voit des alcooliques, des ceux qui speed et tout. C'est ça en fait, hein, quand on regarde la délinquance, ouais. C'est fort sur la télé. Si on ne verrait pas ça à la télé, les jeunes réagiraient un peu moins. On n'est pas délinquant pour ça, c'est quand on veut prouver quelque chose. Que des fois, les populations disent ouais, là-bas c'est des cités, c'est des meurtres. Et nous, on veut prouver qu'on n'est pas des meurtres. On part dans la délinquance comme ça. Métallurgie. J'avais comme mission d'aller prendre la parole des enfants de Métallo pour préparer un spectacle. Métal. Métal. Métal. Métal. Métal. Métal. Métal. Métal. Des robots. Un pont. Des panneaux. Des voitures. Des chaises. Les sécurités pour l'autoroute. Des meubles. Des escaliers. On les broye pour faire des affaires. Des bureaux. Des hélicoptères. Des avions. Des sous-marins. Le cadre du tableau. Des fusils. Des tuyaux. Des portes. C'est qu'est-ce que je voulais dire. Des mitraillettes. Des lumières, des radiateurs, des ciseaux, des ordinateurs, des lattes, catapultes, des paraboles, des poubelles, des motos, une carabine, bazooka, une balançoire, un lance-roquette. Moi, mon papa, il travaillait dans les bureaux, dans une usine. Mon papa, il travaillait dans des usines. Moi, il dit que c'est dangereux des fois, parce qu'il y a des choses qui tombent par terre. Et il y a aussi des déchets nucléaires. C'est ce qu'on t'a dit? Ou bien tu... Non, c'est comme ça, j'ai regardé dans Simpson. C'est quoi son horaire, c'est quoi son emploi du temps? Moi, c'est de 5h du matin à 6h du soir. Tu le vois pas beaucoup, alors? Non. Bon, parfois, il part à 1h et il revient à 10h, quand on dort tous. Donc, je le vois pas beaucoup. Et après, le lendemain, je le vois pas non plus, puisqu'il dort encore. Moi, je le vois plus, parce qu'il a diversé. Je le vois que le vendredi, à 6h, et les dimanches. Moi, mon papa, il commence à 6h du matin, il finit à 9h du soir. Il commence à 6h, il revient à 11h. Moi, il va à 6h du matin, à 10h, à 6h de l'après-midi. 10 ans. 8 ans et demi. 10 ans. 9 ans. 9 ans et demi. 9 ans. 9 ans et demi. Footballeur. Footballeur. Musée. Alpiniste. Institutrice. Je sais pas. Maîtresse. Institutrice. Mécanicien. Coiffeuse. Institutrice. Instituteur. Si par exemple on crie trop, il y a les cheveux blancs qui poussent. Que c'est triste qu'ils ferment parce qu'après on va être pauvre, on va plus avoir d'argent. Moi je dis que c'est bien qu'ils travaillent tant qu'ils ont un emploi. Ils vont devenir pauvres, ils vont habiter dans la rue. Ils devraient chercher tous les jours du travail. Malheureux. Triste. Triste et énervé. En colère. Énervé. Pleurer. Avoir peur. Je vais à l'usine travailler le métal et le fabriquer. Il est en bleu. Et les autres en vert. Des tartines ou fromage. Je vais à l'usine, il est 6h du matin et je vais construire du carrelage. C'est dur de travailler dans une usine. Mon bonhomme est orange, avec une ceinture jaune, des chaussures jaunes. Et son pique-nique, c'est une tartine au jambon. Moi, je trouve que c'est bien de fermer les usines pour la couche d'ozone. Mon bonhomme a un casque de protection, des lunettes pour quand on coupe le métal, un sac avec ses tartines, des gants et des bottines. Je vais à l'usine, je vais travailler de 2h jusqu'à 10h. Je pars à mon travail à 2h et je reviens à 11h. Il a des habits jaunes, il a un sac, il a des tartines, une bouteille d'eau, une pomme, un jus et un mandarin. Je travaille dans une usine et je fabrique du métal. Le soir, j'adore les usines. Je déteste les usines, mais c'est beau le soir. J'adore mon travail et j'ai pas envie de le perdre. Ça pollue trop la nature, aussi c'est un peu bien. Mon bonhomme, il a une cravate, il a des lunettes. Dans sa mallette, il a de l'eau et des tartines. J'aime parce que c'est beau et ça serait triste qu'on les enlève. On serait pauvre, mon papa travaille là-bas. Et si, et il serait triste aussi. Et en plus, on est 5. J'ai l'habitude de l'odeur, mais j'aime mon emploi. Je travaille dans une usine de métal. Et je veux pas le perdre. Il ne faut pas fermer les usines, ça ne sert à rien et les gens perdront leur emploi. Ça pollue de trop et ça détruit la nature et ça tue quand on respire les gaz toxiques. Le bonhomme, il dit, je dois travailler pour nourrir ma famille. Le racisme. Le racisme dans la classe, en classe. Un professeur explique qu'il y a déjà eu 11 nationalités différentes dans une classe. On peut entendre des jeunes avec des manières différentes de réagir face au racisme. Et puis, il y a l'histoire aussi, avec un grand H. Je voulais dire qu'il n'y avait pas ça que chez les flics, quoi. Je veux dire que ça se passe ici, même entre nous, quoi. On entend des trucs et tout... Ouais, on a beau se défendre, ben, ils ont une fois qu'ils ont ça dans la tête, ben, c'est foutu. Ben, je crois que ça peut pas changer. Même, enfin, je veux dire, déjà des jeunes entre nous, il y en a de plus en plus des racistes et tout. Et les profs ont des propos. Ouais, les Maghrébins, ils viennent ici, ils font 10 enfants pour avoir des allocations familiales. Alors que là, c'est dans les mœurs, c'est qu'en Maroc, il n'y a pas d'allocation familiale, mais on a quand même 15 enfants. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, c'est un truc qui m'énerve, le racisme. Parce qu'ils connaissent pas, enfin, je veux dire. Alors elle me fait, ouais, j'ai déjà été au Maroc. Il y a des profs qui font, oui, on a déjà été au Maroc, c'est super et tout. Donc je fais, donc ça n'a rien à voir avec les Marocains, ça a à voir avec l'éducation qu'on leur donne ici. Et puis je dis, il faut fréquenter, il faut voir. On voit toujours les mauvais, parce que dans le journal, on marque un Marocain a fait ça. Quand c'est des Belges, on dit pas un Belge a fait ça, c'est un jeune de. Ce qui me tue, c'est toujours les bougnoules, les bamboulas, les niaques, toujours ces mots-là. Ça veut rien d'autre dire. Soit on est des voleurs, alors on va pas dans les pays des voleurs, parce qu'on est des dangereux. Soit c'est un problème de société. Ici, moi je dis que c'est même pas un problème d'éducation, enfin, c'est simplement que c'est un problème de pauvreté, moi je dis. Hein. Par exemple, moi mon grand-père est venu d'Algérie, mais il est marocain, avec ma mère et tout, ils nous ont raconté, c'est eux qui les avaient appelés pour construire les bâtiments et tout, l'État belge qui avait appelé aux immigrants et tout. Et ils sont arrivés, leur maman, ils avaient reçu une feuille qui disait « Ouais, vous avez un bel appartement et tout ». Ils sont arrivés, il n'y avait pas de vitre, toutes les vitres étaient cassées. Il y avait une chambre et ils étaient, dans la famille de ma mère, ils sont neuf. Ils étaient neuf dans la chambre. Mon grand-père, quand il me raconte, c'est plutôt nous qui devrons être racistes contre les Belges que les Belges racistes contre nous. Quand il me raconte, il disait qu'on leur faisait des cachets comme des vaches. Pour passer, pour aller travailler, on les vraiment comme de la merde. Mais je veux dire, chaque personne, je veux dire, c'est pas question qu'on soit maghrébin et qu'on est venu courir parce qu'on nous a appelés, c'est normal. Chaque personne, je crois qu'on soit belge ou américain, enfin, ou africain d'Afrique centrale ou quoi, ben, chaque personne, on leur propose, on leur dit, venez, vous aurez ça, vous aurez ça. La personne va sauter sur l'occasion. C'est comme si Michel Thon disait, ouais, va là-bas, tu vas recevoir ça, ça. Et déjà que c'était. C'est plus évolué, enfin c'est pas plus évolué, mais c'est déjà une autre mentalité et tout. Et puis quand on voit tous les gros cinémas qu'il y a et tout, bon, il n'y a pas ça là-bas. Donc toi, tu vas vouloir aller voir. Et donc logiquement, si tu as l'occasion déjà d'aller en Europe et en plus gagner bien ta vie, ben, tu vas saisir l'occasion aussi, je suppose. Travaux de bureau. Un métier demain, quel métier? Que devenir dans une classe où l'option est travaux de bureau pour tous? On peut entendre pour ces jeunes qu'être en professionnel, ce n'est pas fameux. Dommage, perte de motivation. Et pourquoi ne repenserions-nous pas l'école sérieusement? Moi, mon rêve, c'était d'être médecin, mais je pense que ce ne sera pas ça. Parce que maintenant, je suis dans travaux de bureau et je crois que j'aime faire ça. Et peut-être plus tard, je serai secrétaire. J'ai plus raté en maths et en néerlandais, j'ai des difficultés. Alors je suis en professionnel. De rêve, j'en ai pas pour l'instant, mais secrétaire, j'aimerais être plus tard. Moi, j'aimerais bien faire plus tard pilote de chasse. J'aime bien voler dans l'air. Moi, j'aimerais bien faire, mais je sais bien que je vais pas le faire. Mais en fait, moi, je sais bien que je vais pas faire ça. Mais j'aimerais bien faire ça. Mais c'est normal qu'il va pas faire ça, parce qu'en professionnel, comment il va faire pour faire ça? Comment il va faire pour changer en technique? Tu crois qu'en technique, il va directement en technique ou quoi? Faut avoir des beaux points. Faut pas rouler en classe. Bah ouais, parce qu'en professionnel, qu'est-ce qu'on va faire en professionnel? Bah, y a rien. J'ai fait des stages en secrétariat, c'est bidon. Il faut remplir des lettres, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout. Les profs, les personnes adultes, toujours ils disent, ouais, vous allez parvenir à faire quelque chose. Mais en fait, une fois qu'on est grand, y a rien qui vient. Ouais, après le professionnel, vous pouvez être comptable. Les gens, ils sont en général, il faut même pas être comptable. Toi, étant professionnel aux Ursulines, tu vas aller faire être comptable. Mais à chaque fois, les personnes adultes nous disent, ouais, vous allez arriver à quelque chose. Je crois pas, moi. Parce que maintenant, déjà que nos grands frères et tout ça, ils sont rien. Je sais pas. Mais si, ça veut tout dire. La plupart des jeunes qui sont dans les écoles ici à Bruxelles, ça va pas. Pas d'espoir pour l'avenir. J'ai pas d'espoir. Je me lève, je suis dégoûté de venir à l'école. Non, parce que j'arrive pas à rester enfermé pendant de quelle heure à quelle heure ici enfermé. J'ai envie de bouger. J'aime bouger. J'aime pas rester enfermé dans une classe. Autonomie. Dans un premier temps, rencontre dans une gare, au hasard, avec des jeunes filles de plus ou moins 18 ans. Qu'est-ce que l'autonomie pour ces jeunes filles? Dans un second temps, on entend des jeunes qui sont placés, comme on dit, en institution, avec des éducateurs comme parents. Il faut savoir que pour ces jeunes, à 18 ans, ils se retrouveront en côte à vivre tout seuls. Bah, un peu quand même, parce que j'habite quand même encore chez eux. Bah, sinon, voilà, quoi. J'ai un peu entre les deux. Non, ça va comme ça. Pour le moment, ça me convient, voilà. Donc, on verra après. Ça va comme ça, parce que ça me dérange pas comme ça, la situation. Pour moi non plus, ça ne me dérange pas, étant donné qu'on est encore en cours. Donc, autant rester encore un petit peu chez eux. En effet, c'est bien utile, parce que quand on rentre, on est déjà fatigué des examens ou des cours à étudier. C'est quand même bien d'avoir des présences près de nous, qui nous font à manger, mais qui nous parlent de notre journée, ou nous rechanger les idées, quoi. Ouais, tes parents qui te font à manger, et tout ça, tranquille, quoi, c'est pas toi qui dois le faire. Si, je le fais quand même, mais quand on rentre très tard, c'est quand même agréable de ne pas avoir à faire ça en plus. Dépendante, oui, c'est le cocon familial, c'est plus rassurant, mais question argent, je fais quand même des jobs étudiants pour pouvoir acheter par moi-même et tout, donc un peu des deux. Et tiens, comme ça, vous avez toutes quel âge, plus ou moins? 18 ans. 18. 20 ans et demi. Bientôt 24. 18. Et vous avez déjà entendu parler de... Il y a des jeunes comme ça ils doivent se débrouiller à 18 ans et hop, la majorité tombe. Par exemple, les jeunes qui n'ont pas de parents ou que c'est plus compliqué. À 18 ans, elles sont censées se débrouiller seules dans la vie. Vous pensez quoi de ça? C'est quand même assez... Enfin, avec vos vies à vous, c'est quand même... T'imagines, à ton âge, tu devrais être débrouillée toute seule Ce serait dur, mais bon, je sais pas ce que je ferais. en tout cas. Ça serait très dur et j'aurais du mal à le faire moi-même. Bah, ça serait très dur de pouvoir de me libérer d'eux comme ça. Du jour au lendemain, j'aurais très dur. Ben, moi aussi, j'aurais très dur parce que bon, je suis souvent avec mes parents, donc autant rester encore une fois avec eux et au moins on sent mieux. Ben, pour ne pas changer, moi aussi, je suis d'accord avec eux. Ce serait très dur, mais ça dépend aussi du contexte familial où on se trouve. Donc à ce moment-là, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on doit le faire, voilà. Ça dépend si on est rejeté par ses parents ou si c'est nous qui prenons la décision de partir de la maison. Si c'est les parents, on se sent plus abandonné qu'autre chose. Et si c'est nous-mêmes, on assume et on essaye de trouver de l'aide. J'ai 12 ans. Toi ? Je m'appelle Steven et j'ai 12 ans. On sera mieux dans le canapé. Anaïs et j'ai 15 ans. Chanté. Je m'appelle Yorick Deleuze et j'ai 14 ans. Savoir se débrouiller seul. Bah, se débrouiller quand on est en côte. Être autoritaire et avoir des responsabilités. Être autoritaire, obligé ? Bah... Il faut savoir se prendre en main, quoi. Tu dis ? Savoir se faire à manger, savoir repasser. Savoir faire la vaisselle. Savoir économiser son argent pour acheter ses courses et tout ça. Les éducateurs qui nous mettent en côte et puis ils viennent une fois par semaine voir si on se débrouille bien et puis ben... Et quoi, quand tu dis que c'est les éducateurs qui cherchent un côte, tu cherches avec ? Ouais, on cherche ensemble, mais on peut pas dépasser un maximum de sous pour 500 euros pour un côte. Ouais, déjà, à 17 ans, on commence à chercher... Dans les environs de Namur, on a un salaire de maximum 400 euros. Et il y a un éducateur, l'éducateur référent qui s'occupe de la mise en autonomie, qui vient une à deux fois par semaine voir si tout se passe bien, si nos comptes, ça va. Et, voilà. Et à 18 ans, on a le droit de demander une prolongation de 6 mois. 14 ans. 12 ans. Je sais pas encore. J'ai envie de me retrouver en côte rapidement. Moi, ça fait quand même 9 ans que je suis ici, donc c'est pour ça que j'ai envie de... On fait la fête tous les week-ends. Non, je rigole. Moi, je connais une fille, elle est partie à 20 ans de chez elle. Hein. Elle est restée plus longtemps. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Et vous pensez quoi, ça ? Des autres jeunes qui n'ont pas la même vie que vous, en fait, à 17 ans, vous déjà vous prendre en main ? Vous pensez quoi de ça ? Bah, c'est un peu normal, ils sont restés plus longtemps chez eux que nous, donc ils sont attachés à leurs parents. C'est difficile de partir, ici on n'est pas vraiment chez nous, c'est pas la même chose. Les parents n'ont pas toujours envie de laisser partir leurs enfants, ils ont un peu peur pour eux, enfin... Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire tout ça. Bah, les SDF. Qui savent pas faire tout quoi ? La vaisselle, repasser, faire à manger. Ouais, mais il y a des gens, ils sont chez leurs parents et ils font rien quoi. Leur journée, ils restent là, ils restent dans leur télé, dans leur PC. Si t'es pas autonome, ça fait peur. Mais si tu l'es, comment on allume le radiateur ? Comment on fait chauffer la plaque pour faire à manger ? Comment on coupe le jambon ? Comment on fait pour aller chercher du pain ? Tu vas à la boulangerie, elle est juste en face. Comment on recoule les pantalons ? J'ai mon bouton qui s'est pété, enfin plein de choses comme ça. Et t'aimerais bien faire quoi plus tard ? Travailler dans les forces de l'ordre ou informaticien. Et toi, dans l'idée comme ça, autonomie, ça veut pas forcément dire tout seul, mais de vivre sa propre vie aussi. Est-ce que tu la vois tout seul ou bien accompagnée ? Accompagnée. Accompagnée d'un chien ? Non, une voiture. Avoir deux enfants et vivre avec mon copain. Avoir un enfant et vivre avec ma copine. Ne dépensez pas tous vos sous et économisez. Parce que ça vous servira pour beaucoup de choses pour la vie. Quoi ça, par exemple, beaucoup de choses ? Quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Une voiture ? Une voiture ? Une maison ? Un jet ski ? Une piscine ? Une limousine ? Et un chien ? Autre autonomie. Rencontre d'une jeune fille qui est dans un studio à vivre toute seule. Pas de mère, pas de père sur qui compter, pas de réseau familial, très peu de relations sociales. Heureusement, elle a un amoureux. Oui, c'est vrai, pas toujours évident cet amour d'ailleurs. Cette jeune fille a eu 18 ans il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas facile de démarrer dans la vie en ayant des gros soucis familiaux. Déjà, vous êtes placé, vous avez un juge de la jeunesse, souvent vous faites un parcours dans plusieurs institutions. L'école, difficile. Cette jeune que vous allez entendre se débrouille comme elle peut. À 17 ans et demi, elle a repris le chemin de l'école en alternance. Cela veut dire qu'elle va 2 jours à l'école et les 3 autres jours au travail. Elle se forme tout en gagnant un peu d'argent. Après une journée de travail ou d'école, elle rentre chez elle et doit s'assumer. Manger, qu'il fasse propre chez elle, s'occuper de son linge, gérer ses factures et faire avec cette solitude. Au jour d'aujourd'hui, cette jeune a arrêté l'école et son travail. Elle attend un bébé. Tous les jeunes ne sont pas égaux à la naissance. Pas facile, mais ça va, quoi. Enfin, ça fait bizarre de vivre toute seule. Il faut faire tout soi-même, faire à manger, nettoyer... C'est pas difficile, mais enfin, ça va quoi. La première fois quand je suis arrivée en côte, eh ben, j'ai eu difficile parce que dormir toute seule, vivre toute seule, c'est difficile, quoi. Mais qu'est-ce qui est difficile, au fond ? Parce que moi, j'ai tellement eu l'habitude d'avoir du monde autour de moi, prendre soin de moi et tout. Et tout d'un coup, là, je suis toute seule et ça me fait bizarre. C'est le calme. C'est super calme. On n'entend plus rien quand je rentre ici, quoi. Quoi, ça fait pas du bien aussi, des fois, du calme ? Si, ça fait du bien, mais du coup, ça fait trop bizarre, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça fait bizarre. Tu rentres ici, moi, depuis quand je rentrais au centre, on entend tous les jeunes qui crient et tout. Et là, quand je rentre chez moi, ben, j'entends plus personne, quoi. Rien du tout, à part les mouches volées, quoi. Quoi, t'aimais bien quand les filles criaient ? Vraiment pas. Ça me rendait mauvaise humeur, même. Ben alors ? Ben, c'est une habitude, quoi. Enfin, quand je rentrais ici, j'entends du bruit. Je voyais les éducateurs, là, ici, j'arrive ici, je vois personne, quoi. Par mon lit, les nounours qui sont là, mais... Enfin, je sais pas, moi, vivre toute seule... Mais bon, on a quand même la liberté, et c'est mieux, quoi. C'est ça, on peut souligner aussi tout ce qui est positif. C'est quoi, tout ce qui est positif ? Je sais pas, moi, comme quoi. Bah, tu peux rentrer toute seule, t'as pas de compte à rendre, tu vas te coucher quand tu veux, tu te lèves quand tu veux, tu vas voir tes amis si t'as envie, t'as aussi... t'as pas que... l'aspect négatif, quoi. Bah ouais, mais le problème, c'est quand j'étais au centre, bah, je disais, ah, je serais contente d'aller en coach, je ferais ce que je veux, je peux sortir quand je veux, je peux dormir à l'heure que je veux. Mais maintenant, moi, enfin, je travaille et c'est pas ce que je disais avant, mais j'arrive ici, bah, je ne sors même pas, je dors tard, ouais, mais je ne sors même pas du tout, je reste en coach parce que le lendemain, je dois aller travailler, voilà, à l'école, je dois me lever, être... Voilà, je dépense toute ma journée, je suis pas là à rien faire non plus, quoi. Je rentre ici, je suis fatiguée, je me fais à manger, je fais la vaisselle, je prends ma douche, je mate un film, et puis voilà. Si, je suis fière, ouais. Parce que on apprend, enfin, on avance dans la vie, on apprend, enfin, comme ça, on apprend plus facilement devant, comment est-ce qu'on peut dire ça, la vie en face, quoi. Parce que si on continue à vivre tout le temps, par exemple chez ses parents ou dans un centre, jamais on va jamais grandir et voir comment ça se passe devant la vie, quoi. Il faut apprendre ça aussi, se débrouiller seul. Enfin, je sais pas, moi, comment est-ce que je pourrais dire ça, moi ? Bah, c'est bien dit, déjà. Ah. Enfin, voilà. Il est vraiment petit. C'est petit, enfin, bon, il y a plusieurs personnes. Quand même, quand il prend un code, c'est toujours en commun, mais moi, je suis très difficile, je n'aime pas en commun, parce que déjà au centre, j'avais déjà du mal avec les toilettes et les douches, donc je ne m'imagine pas en cote. Donc moi, j'ai choisi un cote pour moi toute seule, avec ma douche, mes toilettes, donc c'est pour ça que c'est un peu plus petit. Et j'ai un lit superposé. Quand je suis arrivée, j'avais déjà une table, un frigo, une gazinière, enfin, tous des trucs comme ça, quoi, tout était déjà dedans. Mais c'est pas mal, quoi. Bah, pour moi toute seule, un petit code comme ça, ça va, quoi. Pas trop cher et ça va. Je pense que moi, j'ai pris mon autonomie très tard. Et pour des jeunes comme ça, adolescentes, ça doit être très, très difficile. Parce qu'on leur demande beaucoup avec des difficultés qu'elles ont. Et donc, je pense que la société demande beaucoup à nos jeunes. Beaucoup trop. Même l'institution ou même n'importe qui, on demande trop aux jeunes. Ils sont pas forcément vite prêts, quoi. Démocratie. Rencontre avec des jeunes, français, allemands, français, belges, qui, pour le temps de quelques jours, eh bien, réfléchissent en commun sur ce sujet, ce thème, la démocratie. Bah, la démocratie, c'est quand faut être égal et puis tout. Quand tout le monde est égal, est égaux. Anarchie, le bordel total. Bah, la démocratie, c'est un peu les droits de l'homme aussi. Tout le monde est libre, égaux, et puis y a une fraternité aussi. Le conseil de classe en école. Conseil de classe, démocratie. Le vote. Ouais. Je sais pas. La démocratie. Que tout le monde se respecte les uns les autres. C'est la guerre. La guerre. Allemande. Non. Démocratie. Voilà. Démocratie. Fasciste démocratie für dich. Le racisme, je sais pas du coup. Und wir sagen alles zusammen zu sein, ähnlich zu sein, Demokratie. Faut pas être raciste. Voilà, sinon c'est la guerre. Mais la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté, c'est pouvoir donner son avis, être différent. C'est un peu le respect, je pense. Moi, je pense que c'est pouvoir vivre librement, chacun des droits, mais chacun des devoirs aussi. Donc ça permet aux hommes de vivre de manière libre. Et on a vu que quand des systèmes non démocratiques se sont mis en place, ben c'est parti en vrille totale en fait. Donc, On peut dire que le contraire de la démocratie, c'est la dictature. Tout à fait, mais on arrive à avoir des dictateurs même en démocratie. Car de faire croire au peuple qu'il a le pouvoir, ça ne suffit pas, il faut lui donner le pouvoir aussi. Est-ce que la Belgique est une démocratie malgré le fait qu'il y ait un roi ? Moi je suis français, j'en sais rien. Ils sont où les Belges ? Ouais quand même, à part les impôts qu'ils nous imposent, je crois quand même qu'ils nous respectent parce que sinon ils ne feraient rien faire quand certains pays comme l'Afghanistan, là où les femmes sont obligées de porter le voile. Pour moi la démocratie, c'est respecter les uns les autres. Comme dit le thème, démocratisons-nous ensemble, donc respectons-nous les uns les autres. Les Belges. Je ne parlerai pas. Et la France ? Est-ce qu'on parle toujours de démocratie ? C'est un peu l'anarchie, quoi. Depuis que c'est lui le président, personne ne l'aime, donc tout le monde fout le bordel maintenant. Oh non, pas vraiment. Je veux dire, avec Sarkozy, on n'a pas de liberté. Je veux dire, nous, les jeunes, ça nous permet pas de s'amuser avec le président Sarkozy. Je veux dire, moi, ce que je pense, c'est qu'on a une manque de liberté. Bah, ils mettent, à partir du moment où ils font des bêtises, par exemple, ils vont les mettre en tôle. Enfin, en prison, quoi. C'est vrai que bon, enfin bref, ça j'ai vu ça sur internet, à la télé, à la radio aussi je l'ai entendu donc comme ça. Du moment que c'est un pro-militaire, mais après le reste je m'en occupe pas. Du moment que c'est un pro-militariste, après le reste je m'en occupe pas. Vive les militaires. Démocratie ou pas? Bah c'est quand même la démocratie vu qu'il a été élu, donc c'est voilà, maintenant on va voir ce qu'il va nous proposer et puis c'est pas parce que c'est Sarkozy et que c'est son nom que c'est pas la démocratie. En France c'est quand même la démocratie, on a quand même pas mal de liberté par rapport à d'autres pays, par exemple en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie où là c'est vraiment pas la liberté, donc on peut quand même pas dire qu'on n'a pas de liberté en France. Mais après, la démocratie, bah, c'est le fait que tout le monde puisse donner son avis, et puis voilà, quoi. Bah si, j'ai mon avis, moi j'ai... On n'a pas voté pour lui, déjà, l'avis, voilà, il est déjà là, quoi. Bah Sarkozy, il a fait plein de promesses, après on va voir ce qu'il va faire en réalité, mais... Non, mais voilà, t'as de l'oseille, tu votes Sarko, c'est bon, c'est cool, la vie est belle, quoi, mais bon... De toute façon, t'es en galère, quoi, voilà, t'es en galère, tu votes pas Sarko, je pense. Ségolène Royal, elle est pas... J'ai voté pour Ségolène Royal, je l'avoue. Et c'est Sarkozy qui est passé. Bah, je suis triste, très triste. Ségolène, je t'aime. Et voilà. Vive la France ! Moi, je m'en fous de Sarkozy. Non, je l'aime pas quand même. Moi, je sais pas, je suis pas voté. Mais maintenant, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est la vie, quoi. Oh, moi je suis neutre. Comme ça, pas d'ennemis. Bah, on verra les prochaines élections. Mais pour la démocratie, je suppose. Bah ouais. Pour la démocratie. Quand même, un peu. Il faut. Können Sie die Politik in Deutschland vorstellen? Nur ein paar Wörter über die Politik in Deutschland sagen. Wer ist dort und welche Partei? Da ist ein Kanzler. Là-bas, il y a un chancelier. C'est celui qui gouverne le pays. Comme ici on a le roi, mais là-bas c'est un chancelier et c'est Angela Merkel. Ist sie von rechts ou von links? Elle est du CDU en Allemagne et c'est le Parti démocrate chrétien. Ist es gut in Deutschland? Sind sie zufrieden mit ihr? Nein. No. Ja, die verbieten immer mehr und machen alles teurer. Elle empêche de plus en plus de choses. Il y a des choses qui sont interdites de plus en plus. Zum Beispiel, was ist? Ja, weil sie Musik verbietet. Musik, also Hip-Hop, weil da zu viele schlimme Wörter drin vorkommen. Parce qu'il y a trop de grosses mots dedans. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Notre invité, le rappeur tunisiano, membre du groupe Sniper. Bonsoir. Avec lui, nous allons évoquer le thème du jour. Le rap serait-il une menace pour la société ? C'est ce que pensent certains politiques qui ont trouvé pour l'occasion des alliés inattendus. Revenons sur cette histoire. Tunisiano, merci de nous rappeler la chronologie des faits. Très bien. Es gibt ja auch was Gutes, den Jugendschutz da. Deshalb verbieten sie auch für jüngere Kinder jetzt die Zigaretten und Alkohol und so. Erstens erhöhen die Altersgrenze. Das ist mal erst halt ab einem höheren Alter. Früher war es ab 14 und jetzt 16 oder 18 oder so. Ja, und das ist halt auch für die manche, wo rauchen, ist es blöd. Aber ich finde es halt gut, dass dann die Kinder nicht mehr dauernd rauchen und Alkohol kriegen. Das macht ja auch krank. Donc les garçons allemands pensent que ce n'est pas très bien parce que c'est Angela Merkel qui est au pouvoir en Allemagne et ils pensent que ce n'est pas très bien parce qu'elle elle interdit beaucoup de choses, comme par exemple la musique, le hip-hop, parce qu'il y a des grossiers mots dedans. Et la cigarette, les garçons trouvent que ce n'est pas bien, mais les filles trouvent que c'est bien, que ça protège les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas avoir de cigarette en dessous de 16 ans. Et Isabelle avait dit qu'elle ne faisait pas grand-chose. Elle a dû prendre beaucoup de temps avant de se décider de faire quelque chose pour l'environnement. Moi, je pense qu'on a un point commun avec l'Allemagne, c'est que les Français et les Allemands ne veulent plus de la gauche ou de la droite. Et si Sarkozy a été élu, c'est pas parce qu'il est de droite, c'est parce qu'il a simplement dit qu'il allait faire de la politique autrement. Et il est dans le symbole, il fait plein de choses autrement. Après, est-ce que les symboles vont durer longtemps, on ne sait pas, mais le fait de faire un nouveau 14 juillet, de faire différemment... On n'a pas de roi en France, mais on a beaucoup de cérémonies qui sont pires que si on avait des rois. Et en fait, on n'est pas en démocratie du tout en Europe, puisque c'est l'argent qui gouverne en Europe, comme partout. Donc moi, je pense que la démocratie, c'est une fausse définition de l'Europe. Tous les chefs de gouvernement sont bloqués par rapport aux questions financières. De toute façon, ils n'ont aucun pouvoir. Tant que l'argent aura le pouvoir, et c'est pas la peine de nous faire croire qu'on est en démocratie. Moi, je pense que ce qui est excessif, c'est certainement la répression aujourd'hui que vivent tous les travailleurs. Un peu d'histoire, les acquis sociaux, ce n'est pas comme ça un cadeau que les patrons ont offert en remerciement aux travailleurs. Les acquis sociaux, ce sont nos aînés qui, en 1936 puis en 1945, lors des luttes au fond de la crise, ont pu imposer au patronat de regarder avec dignité les ouvriers. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de charges salariales, mais au fait, est-ce que les travailleurs connaissent réellement leur salaire ? Et moi-même, encore récemment, je me suis découvert qu'il y avait un salaire caché, un salaire qu'on appelle indirect. Et ça, ce n'est pas non plus le fruit du hasard, ce sont nos aînés qui ont exigé du patronat qu'ils versent par son argent, mais notre argent, une partie de notre salaire au niveau d'une caisse pour assurer une sécurité sociale pour nos aînés, pour les enfants, pour les pensions, quand on tombe malade, le chômage. Et donc, j'ai fait ici voilà comment un travailleur y voit son salaire. Il y a une partie de net. Et puis, il y a des impôts, un versement anticipatif pour les impôts, et puis une partie versée à la sécurité sociale. Mais avant que vous ayez ça, il y a déjà une partie qui est partie du salaire, qui a été versée par les patrons dans cette fameuse caisse de sécurité sociale. Et ce morceau-là, ça, c'est vos salaires indirects, des salaires cachés, des salaires qui, aujourd'hui, nous sont volés. Je m'explique. Quand Michel me parle de charges salariales exagérées ou autres, nos ministres se vantent encore de pouvoir offrir en cadeau, justement, de ce salaire indirect, une partie au patronat, où on lui fait un cadeau. Notre argent, plutôt que d'être versé dans la caisse, devient du profit, qui devrait être à notre service pour créer des emplois. On a perdu beaucoup d'emplois, mais maintenant on en crée, c'est des emplois intérimaires, des emplois indécis. Donc en fait, en prenant une partie du salaire qui avait été acquis, on est en train, comme on vient de le dire, d'entraîner les travailleurs dans une spirale vers le bas. Est-ce qu'il y a une riposte possible à ça ? Quelle peut être la réaction ? Moi, je crois qu'une des réactions vient d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est M. de Bune. Et M. de Bune n'est pas n'importe qui. M. de Bune, on parle de la Constitution, est quelqu'un qui s'est opposé très fermement. Et c'est quelqu'un qui avait dit une Europe pour sans... Pour les jeunes, c'est l'ancien secrétaire général du syndicat FGTB socialiste. C'est bien ça. Et donc, Georges de Bune a dit au départ, une Europe des travailleurs, c'est une Europe où les travailleurs sont unis, où ils sont représentés et où ils ont des droits et où ils sont défendus. Et donc, lorsqu'il a dit non à cette Europe, c'est pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun paramètre. Dans cette Europe, le profit patronal, lui, est protégé. Déjà un exemple, au niveau des hausses salariales, on doit regarder les pays voisins, de voir comment ça se passe chez eux pour éventuellement donner un franc en plus ici. Par contre, au niveau de l'Europe, il n'y a aucune protection concernant tous nos acquis sociaux, que ce soit la pension, que ce soit un salaire minimum, le droit au chômage, le droit aux soins de santé. Il n'y a rien clairement de défini. Et Georges de Bune s'était opposé en disant, si nous ne mettons pas une garantie minimale, c'était la méthode de Bune qu'il appelait, demain, nous allons être victimes d'un dumping social sans pareil. Donc il faut une solidarité internationale pour résister à ça. Est-ce que dans ton entreprise, la STIP, les travailleurs sont inquiets par rapport à cette constitution ? On en parle ? Disons qu'aujourd'hui, les travailleurs en parlent très peu. Et je crois que ce n'est pas par pudeur, c'est par peur qu'ils en parlent très peu. Parce qu'il y a eu des grèves récemment chez nous en fin d'année. On a fait miroiter que c'était un manque d'effectifs. En réalité, on attendait le signal de l'Europe qui allait libéraliser les transports et dire que les monopoles publics, c'est quoi un monopole public ? Il n'y en a plus beaucoup, il en reste trois en Europe. Il y a la RATP, il y a les STIB, les transports de Berne, où là, il y a du bus, du tram, du métro. Et donc, ils espéraient qu'au niveau européen, on allait casser ça. Et croyez-moi, il y avait déjà 2-3 lignes de bus qui étaient prêtes à être sous-traitées. Et donc, il y a une grande peur. Les travailleurs en parlent très, très peu. Mais de toute manière, il y a une réalité que l'on vit tous. C'est qu'actuellement, on fait croire au monde du travail qu'il y a un problème d'argent, qu'il y a un problème de financement. Les services publics sont sous-financés. Par contre, il y a d'énormes profits. Et si les patrons paieraient nos salaires qu'ils nous volent, il n'y aurait pas de problème pour le chômage. C'est qu'actuellement, on fait croire au monde du travail qu'il y a un problème d'argent, qu'il y a un problème de financement. Les services publics sont sous-financés. Par contre, il y a d'énormes profits. Et si les patrons paieraient nos salaires qu'ils nous volent, il n'y aurait pas de problème pour le chômage. Il n'y aurait pas de problème pour la sécurité sociale. Donc tu indiques que la Constitution européenne est inquiétante. Mais dans le vidéo-trottoir, il y a quelqu'un, le monsieur au chapeau, là, qui dit à un moment donné, bon, la Constitution, elle n'est pas terrible, mais on peut toujours l'améliorer. C'est un point de départ. Justement, ça, c'est aussi un mensonge éhonté de nos politiciens. Une fois que la Constitution est signée, il faudra la boire jusqu'à la ligne, on ne sait plus faire marche arrière. Et ça, c'est grave. Et je crois aussi qu'une approche qu'il faut se dire, ces gens, malgré une opposition très très forte avant les votes, ne veulent pas rediscuter la Constitution. Donc ce ne sont pas des gens qui sont démocrates, ce ne sont pas des gens qui sont à l'écoute du peuple, ce sont des gens qui sont à l'écoute de l'argent, à l'écoute du fric. Donc pour résumer ce qui a été dit, ton idée, c'est que les charges patronales excessives, en réalité, c'est du salaire indirect qu'on reprend, qu'on entraîne les travailleurs dans une spirale vers le bas, et qu'il faut résister par une solidarité internationale par rapport à ça. En France, ce qui a frappé, c'est que tous les médias ont, si je peux dire, voté massivement pour la Constitution, et pourtant ils ont perdu. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de ça ? Moi, je crois que à force de dire « c'est l'Europe qui fait ceci, c'est l'Europe qui fait cela », je crois que bon, les politiciens ont montré leurs limites à ne plus savoir cacher la vérité aux travailleurs. Et je crois que c'est aussi très important, c'est que bon, un parti comme le PS, qui actuellement vit une déchirure, mais bon, on peut réellement penser, je crois qu'eux ont pris une gifle comme les syndicalistes européens qui avaient, avec le patronat, voté oui. Et là-dessus, de Bundy, ce sont des gens qui ne sont pas les porte-parole de la base, qui ne sont pas les porte-parole des travailleurs. Et donc, je crois que ces personnes qui ont écrit cette Constitution sont des personnes qui l'ont écrit sans tenir compte réellement des citoyens. Et je crois que c'est une réponse cinglante qu'ils ont reçue. Donc, là, quand il y a une participation des travailleurs, ça peut changer les choses. Tout à fait. Seule la mobilisation peut apporter des résultats. Sans mobilisation, le non n'aurait pas été là. La réflexion suivante, c'est que s'il y a plus de participation, ben, il y aura, on peut l'espérer, plus de résistance, plus de lutte. Et donc, on peut aussi se demander s'il y aura plus de répression. On a, je crois, on entretient en tout cas beaucoup l'impression ici que l'Union européenne est plus démocratique aussi sur le plan des règles intérieures, qu'elle ne prend pas des lois aussi graves. Mais en fait, si on est bien informé, j'ai eu l'occasion parce que j'ai rencontré Jean-Claude Paille dans divers débats où on s'est retrouvés ensemble, et je me suis rendu compte en l'écoutant que l'Union européenne était discrètement, en cachette, en train de prendre une série de lois antidémocratiques extrêmement dangereuses, et que donc ça valait la peine de l'inviter pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire justement sur le plan d'augmenter les moyens de répression. Jean-Claude, je t'en prie. Si on veut avoir une bonne idée de ce que c'est l'Union européenne, il y a encore beaucoup mieux que la Constitution. Il faut regarder du côté de la coopération policière et judiciaire, oui, et surtout comment cette coopération policière et judiciaire est inscrite dans le droit, et donc dans le droit pénal et la procédure pénale. Et aussi comment s'organise la coopération policière et judiciaire des États de l'Union européenne avec l'extérieur et principalement les États-Unis. Et là, on s'aperçoit de deux choses. Que l'Union européenne n'est pas un État supranational en voie de construction, mais qu'il est au contraire une collection d'États nationaux dont les différents pouvoirs se renforcent à travers la construction européenne. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne n'est pas quelque chose d'alternatif à la puissance des États-Unis. Au contraire, on s'aperçoit qu'il est une petite sous-structure qui s'inscrit dans un ensemble plus grand qui est dominé par le pouvoir exécutif américain. Pour cela, je vais donner deux ou trois exemples. Une semaine après les attentats du 11 septembre, il y a deux projets de décision cadre qui sont déposés subitement par la Commission devant le Conseil. Il y a le projet de décision cadre relatif au terrorisme et le projet relatif au mandat d'arrêt européen. Alors ces deux projets sont présentés comme des choses qui sont une résultante des attentats du 11 septembre. Donc il y a une première réflexion qui vient à toute personne de bon sens. Comment est-ce qu'on peut établir deux projets de loi sur un espace d'une semaine? Si on regarde du côté américain, c'est encore beaucoup plus caricatural, puisque le projet du Patriot Act a été déposé 3 jours après les attentats. Il faut savoir que le droit pénal américain est encore beaucoup plus complexe que notre droit pénal. La loi Patriot, c'est 128 pages bien tassées, avec des centaines de renvois. Donc on estime qu'il faut entre 6 mois et 1 an, rien que pour écrire la loi, et davantage pour la concevoir. Donc on peut, sans se tromper, dire que, aussi bien du côté européen que du côté des États-Unis, il y avait des projets de loi qui étaient dans les tiroirs, et on attendait la bonne occasion pour les passer. Si on regarde du côté européen, qu'est-ce qu'on voit? On voit une décision 4 relative au terrorisme. Et ça veut dire que tous les pays européens ont maintenant une loi antiterroriste, alors qu'un pays comme la Belgique, par exemple, n'avait pas ce type de loi. Il existait uniquement 6 pays. Il y avait la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et l'Italie qui bénéficiaient déjà d'une loi antiterroriste. Des pays comme la Belgique avaient la possibilité de poursuivre les actes terroristes, mais avec d'autres législations. Par exemple, des délits classiques tels que le meurtre, détourner un avion, poser une bombe, ça a toujours été puni dans n'importe quel code pénal. Il ne faut pas une législation spéciale pour ça. En plus, en Belgique, il y avait des notions telles que la notion d'association de malfaiteurs ou d'organisation criminelle qui permettent déjà d'enquêter et de poursuivre les organisations elles-mêmes et qui crée un délit d'appartenance. Donc on pouvait être poursuivi sur le simple fait qu'on fait partie d'une organisation sans avoir commis un délit déterminé. Donc il n'y a pas besoin de faire le tour. Il y a dans le code pénal des pays qui n'avaient pas de législation antiterroriste tout ce qu'il faut et davantage pour poursuivre les délits antiterroristes. Donc si on impose aux 9 pays, à l'époque où c'était l'Europe des 15, qui n'ont pas de législation antiterroriste, d'intégrer une telle législation dans leur code pénal, c'est pour un ensemble de raisons qui ne sont pas avouées. Alors ces différentes raisons, on peut les voir si on regarde les lois antiterroristes des pays qui avaient déjà une telle législation. Alors on s'aperçoit que des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, ou l'Italie, ou l'Espagne, en fait, les lois antiterroristes permettent une généralisation des procédures d'exception à tous les stades de la procédure pénale, de l'enquête policière jusqu'à l'enfermement des gens. C'est-à-dire, par exemple, en Espagne, si on est soupçonné de terrorisme, on n'a pas le choix de son avocat. On a un avocat qui vient seulement, qui est désigné d'office par les personnes qui vous arrêtent. Ensuite, il y a un délai de 72 heures dans lequel vous ne pouvez voir personne. Donc, même pas un coup de téléphone à votre famille, pas du tout un avocat, même celui qui est désigné d'office. L'avocat désigné d'office intervient 72 heures après, au moment où vous devez signer votre déclaration, c'est-à-dire généralement les aveux, après avoir subi ce qu'on appelle des pressions physiques modérées hein, dans le langage américain, c'est-à-dire de la torture, qui est systématique en Espagne. En Italie, par exemple, il y a la possibilité de mettre en détention préventive pendant 10 ans et 8 mois. Je vous rassure, c'est un maximum. Donc, en Allemagne, on peut mettre les gens au secret, les mettre sous la lumière 24 heures sur 24, lire le courrier entre l'avocat et la personne qui est détenue. Donc on peut faire le tour ainsi de toutes les législations antiterroristes. Chacune, au niveau national, permet un développement des procédures d'exception. Donc on peut se dire, si on veut imposer un tel type de législation au niveau européen, c'est pas pour lutter contre le terrorisme, il y a déjà tout ce qu'il faut, c'est simplement pour pouvoir généraliser les procédures d'exception dans tous les pays qui auront ce type de législation.